Écoute, c'est fini, mais ça veut pas dire que j'arrête. La maison d'arrêt, on les pisse à l'arrêt. Sur la chaussée, les MC sont arrêtés. Change leur roue, leur donne la clé à molette. Et même le TT, tous mes bébés. Dans le ham, on est apprentis sorciers. Les temps modernes nous envoûtent. Avant, on était tous doués pour le foot. Maintenant, on prend harba sur rien de roue. Les frères sont des terres, hardcore, on pisse sur le terre-terre. On fait ça dans les règles, on fait ça sans règles. La big rap, le vol, c'est la merde. EP, vente aluminium, tout autre cuisine m'amène. Mon son te met des claques et fait bouger le cul de ta mère. Quand j'arrive, c'est hard et ça pue la merde. Billets verts, je le chasse, mais les menottes, ça sert. Gigi, maintenant c'est fini. Mais tu t'as dit que j'arrête, dis-moi, dealer. Tout pour péter le rap, on nous a pas dealer. Je finirai pas dealer, je vais mourir dans le jean. Oui, ils disent, demande à fouette, ils savent pas ce qu'on vit. Trop déter. Qui t'a dit que j'arrête? Trop déter. Qui t'a dit que j'arrête?